Chapitre 11e. Dans cette vie nouvelle, si différente du passé, toute remplie, toute heureuse pour elle, deux points cependant la peinaient. Une autre n'en eût point été touchée, ne les eût peut-être même pas remarquées, mais quand on vit seul, sans parents, n'ayant pour amis que deux braves gens qui n'occupent ni votre pensée ni votre cœur, ou du moins qui les occupent assez peu pour qu'on ne se sente pas tiré de soi-même, les moindres choses prennent une importance exagérée. Quoi qu'elle fît pour ne pas le voir, quoi qu'elle se dît, il était évident que son voisin ne traitait pas Gros Milord en ami, ni le sera non plus, et elle eût été si heureuse qu'ils fussent ses amis. Ils avaient été les siens, à elle, pendant les mauvais jours, et ce qu'elle avait eu de bon, c'était eux qui le lui avaient donné, le serein par ses chansons, Gros Milord par ses caresses. Que de journées mélancoliques avaient été égayées par le tapage de cet oiseau sautillant, sifflant, toujours en mouvement dans sa cage. Que de pensées tristes avaient été chassées par les caresses du chat. Fût-elle restée avec tant de résignation dans sa chambre, si elle ne les avait point eues près d'elle? Pour les heureux de ce monde, les bêtes sont des bêtes qu'on prend, qu'on repousse selon la fantaisie du moment. Pour les abandonner, elles sont des camarades. Mais lui ne les voyait pas ainsi. Quand il parlait, si le serin se mettait à siffler, il s'interrompait aussitôt d'un air agacé. Si la chanson continuait, il se levait d'un mouvement de mauvaise humeur en s'écriant « C'est assourdissant, on ne s'entend pas parler !» Il s'en allait se promener, fâché, par la ville. Il n'y avait pas de danger que Gros Milord lui sautât sur les genoux. Les bêtes ne sont pas si sottes que ça, mais souvent, au beau milieu d'une histoire personnelle, dans laquelle il était question du prince Louis ou d'une noble dame, tout à coup, il sautait sur sa maîtresse, et avec un ronron bruyant, des coups de tête, des ondulations de l'échine, des tassements de pattes, il la distrayait. Aussitôt, l'agacement reparaissait, et si elle ne chassait pas le chat, c'était le conteur qui quittait la place, intenable pour lui, dès lors qu'elle ne lui appartenait pas exclusivement. « Quel tyran, cet animal !» disait-il en partant. Pour le serin, elle eut l'idée de le mettre dans la cuisine. Et comme dans ce trou noir le soleil ne paraissait jamais, l'oiseau y restait tranquille sans bouger et sans siffler. Aussitôt le voisin partit pour sa promenade ordinaire, elle sortait le prisonnier de son cachot et le réinstallait en belle place au soleil, au coin de la fenêtre, en lui disant des paroles de nourrice. Réchauffé par le soleil, rassuré par la voix qu'il connaissait, l'oiseau chantait gaiement jusqu'au moment où le voisin pouvant rentrer, on le réintégrait dans la cuisine. Mais il ne pouvait pas en être ainsi avec Gros Milord, qui était un personnage volontaire, habitué à être traité avec égard. Si on l'avait enfermé dans la cuisine, il aurait si bien miaulé, si bien gratté à la porte, que ce tapage aurait été plus gênant encore que son ronron. Elle avait essayé de mettre le chat bien avec le voisin, et de même elle avait essayé aussi de mettre le voisin bien avec le chat. Mais elle n'avait réussi ni d'un côté ni de l'autre. Tous deux se traitaient en ennemis. Le voisin appelait le chat « vilaine bête ». Le chat n'adressait aucune injure au voisin, mais aussitôt que celui-ci entrait, il allait se mettre dans un coin, sous une chaise ou sur l'armoire à glace, et là, en sûreté, il le regardait avec des yeux mi-clos que de temps en temps il fermait sournoisement quand on se tournait de son côté. « Moi, je ne pense pas à vous. Je dors. » Comment tout cela finirait-il? C'était pour elle un sujet de véritable inquiétude. D'ordinaire, Gros Milord cédait la place qu'il occupait au moment même où il voyait entrer son rival. Mais parfois aussi, soit qu'il fût surpris dans son sommeil, soit qu'il fût ce jour-là d'humeur belliqueuse, il s'arc-boutait sur ses quatre pattes en faisant le gros dos, le poil hérissé, grognant et crachant. « Voyez donc la vilaine bête !» disait le rival. « Il me crache à la figure, et vous le laissez faire !» Certes non, elle ne le laissait pas faire. Elle le prenait dans ses bras, en s'efforçant de le calmer. Il ne manque plus que vous le caressiez. » Un matin qu'il arrivait pour déjeuner, il trouva Gros Milord installé sur la table où le couvert était déjà mis. Il avait cela en horreur et en dégoût. Il voulut le chasser. « À bas ! À bas !» Mais au lieu de sauter à bas, le chat se hérissa en montrant les dents. Angélique étant occupée dans la cuisine, il ne put pas l'appeler pour qu'elle renvoyait son chat et voulut le chasser lui-même en lui donnant une tape. Il la donna en effet. Mais à cette tape, et avant qu'il retirait sa main, le chat répondit par un coup de griffe qui déchira la peau. Angélique entrait à ce moment même. Elle lui lançait le coup de patte et presque aussitôt la main égratignée. « Vous voyez, dit-il en présentant sa main. Ah, mon Dieu, je vais vous laver la main. Je vais la laver moi-même. » Et indigné, il sortit. Elle le suivit. Il lui ferma sa porte au nez. Rentrée chez elle, désolée de cette bataille entre ses deux amis, elle prépara une phrase pour quand il reviendrait. Mais il ne revint pas, et quand elle alla à sa porte pour lui dire que le déjeuner refroidissait, elle ne trouva personne. Il était parti, vraiment parti, car son chapeau n'était plus là. Pour la première fois, elle gronda Gromilord. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le méchant !» Cela ne la calma pas. Elle ne put pas manger. Elle se remit au travail, sans avoir déjeuné, tristement, cherchant comment les réconcilier, tout en pensant à sa phrase d'excuse et la perfectionnant pour la bien dire quand il rentrerait. Mais ce ne fut pas lui qui entra. Comme elle avait entendu des bruits de pas sur le palier et qu'elle avait couru ouvrir sa porte, elle trouva devant elle ses amis, monsieur et madame Limonier, qui arrivaient dernière pour la voir. Comme toujours, ils étaient pleins d'histoires et il fut longuement question de monsieur Durand, de monsieur Lucas et de mademoiselle Lerouge, sans oublier la neige et le dégel. « Figurez-vous, ma bonne petite, que je voulais vous apporter des pommes, » dit madame Limonier. « J'en avais mis de côté pour vous. Les souris nous ont tout mangé. Elles entrent même dans les armoires. »« Nous en sommes infectés, » dit monsieur Limonier, qui avait un riche répertoire de locutions particulières, en inventant quelques-unes et s'appropriant avec un véritable génie celle qu'il entendait. « Tel que vous nous voyez, » continua madame Limonier, « nous cherchons un chat. » Mais nous sommes bien embarrassés. Un jeune ne prendra pas nos souris, et un qui ne sera pas jeune aura sans doute de mauvaises habitudes. Il nous faudrait un comme Gromilord, dit monsieur Limonier. Ce fut un éclair pour Angélique. Si elle leur prêtait Gromilord pour quelques jours, pendant ce temps sa mauvaise humeur s'apaiserait. Monsieur Passereau n'était pas homme à garder sa rancune. Gromilord était trop bon pour rester fâché. Et puis, chez les Limoniers, il serait très bien soigné, Gromilord. Bien nourri, bien couché. Il aurait le jardin pour se promener, des arbres pour faire ses griffes, du chien d'or à manger. Puisqu'ils étaient dévorés par les souris, il n'y avait donc pas de chat dans le voisinage, partant pas de bataille à craindre. Elle était certaine de le retrouver en bon état. Dans ce petit voyage, il n'y aurait que le chagrin de la séparation pour lui et pour elle. Mais il semblait que dans les circonstances présentes, le mieux était de se résigner à ce chagrin. « Si vous voulez, » dit-elle, « je peux vous prêter Gromilord. Nous prêter Gromilord ?» Cela était si extraordinaire que tout d'abord ils ne voulurent pas croire à la chose possible. Puis, quand ils se furent rendus à l'évidence, ils n'osèrent pas accepter. Enfin, il fut convenu qu'elle conduirait le chat à Nières le lendemain, qui était un dimanche, et qu'elle l'installerait elle-même. « Alors à demain, » dit M. Limonier, « si je ne vous revois pas, portez-vous bien. » C'était encore là une de ses locutions familières, à laquelle il ajouta cette autre qu'il affectionnait. « Je voudrais avoir autant de pièces de 100 sous que je dormirais bien cette nuit. Mille amitiés !»